est un homme imaginaire, imagineur d'objets trouvés, un inventeur de faits divers, un rêveur de réalité. J'habitais en solitaire une maison du carré Saint-Louis, deux ou trois chats, beaucoup de lumière, de temps à autre un vieil ami. Il aimait l'ordre et la douceur, et derrière ses petites manies se cachait l'idée du bonheur. Sans faire de mal, sans faire de bruit, mais dans le noir de sa mémoire s'ouvrait le troublant de l'oubli. L'oubli, l'oubli, l'oubli des mots, l'oubli des gestes, oubli de tout ce temps qui reste, prisonnier de ce funeste oubli. Il avait aimé une femme, c'était il y a très longtemps. Plutôt que d'y laisser son âme, il avait viré comme le vent. Maintenant, des garçons de passage lui dérobaient des bouts de sa vie. Ils dessinaient leur doux visage, eux repartaient sans dire merci. Ils notaient tout dans un carnet, le nom des gens, l'odeur des choses. Et quand le vent virait morose, pour se souvenir, ils relisaient. Mais ils voyaient entre les lignes grandir le troublant de l'oubli. L'oubli, l'oubli, l'oubli des mots, l'oubli des gestes, oubli de tout ce temps qui reste, prisonnier de ce funeste oubli. Un jour, en rentrant du café, où chaque matin venait s'asseoir, par le troublant de sa mémoire, il sentit sa vie s'en aller. Il écrivit, comme à l'école, son nom en lettres détachées. Puis il épingla sur le col de son manteau le bout de papier. Dans l'eau glacée du Saint-Laurent, il revit couler son enfance et offrit son corps en silence au démon qui suit le courant. Je chante pour ne pas qu'il meure, je chante pour tuer l'oubli. L'oubli, l'oubli, l'oubli des mots, l'oubli des gestes, oubli de tout ce temps qui reste, prisonnier de ce funeste oubli. L'oubli, l'oubli des mots, l'oubli des gestes, oubli de tout ce temps qui reste, prisonnier de ce funeste.